Nous tenons à vous remercier. Il faut applaudir encore le groupe Jab Jab, Rastafari. Il faut applaudir encore M. Lamine Touré et toute son équipe, bien sûr. Ils ont dû travailler dur pour que les Nuits d'Afrique existent encore. Ça fait 35 ans, ça fait beaucoup. Il faut encore acclamer de Lamine Touré. Nous avons composé ensemble, en fait, une chanson spéciale pour Nuits d'Afrique. Donc, ça va être la première fois qu'elle est entendue. Et ça a vraiment été composé collectivement pour l'événement, pour le 35e, en fait. On espère que vous allez la chanter avec nous. Et que vous allez l'apprécier. Yeah. So this is a song for the English people. This song we created together because Tori asked us to put this song together. It's about the 35th anniversary of Nuits d'Afrique. So we all came together and we wrote the song together for you guys tonight, all right? So yeah, thank you very much. This is the first time we're going to do it live in front of everybody. Everybody say, all right? Yes, I. All right. Let's do it. 35th anniversary, Nuits d'Afrique. Go on! Nuits d'Afrique. Montréal, le national est vous là. Pour le 35e de Nuits d'Afrique. Nuits d'Afrique. Are you feeling alright? One more time, let's do it. Hey, hey, jump, hey, pop, hey. All the things that need a fit. Sambe, sambe, sangi pisa vanu loro au nipara. Need a fit. Jump, chantera ou dansera. Et le cœur en jeu. Need a fit. Oh, Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Have a beautiful and safe night. One love. Merci.